Gala et le premier gala de la disque reviennent cette année pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois. C'est Sébastien Diaz qui tiendra la barre du premier gala alors que Louis-José Houde animera le gala pour une 11e année consécutive. Qui remportera les prestigieux prix Félix? Pour le savoir, écoutez le premier gala et le gala de la disque les 27 et 30 octobre prochains. En collaboration avec Télé-Québec et ici Radio-Canada Télé. Tous les détails sur palmarèsadisque.ca. Ce message est diffusé par CKRL. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% sur les cours de jour en semaine au Centre de yoga de Québec. 1355 3e Avenue, Québec. yogaquebec.net. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Ben oui, on est de retour, le grain de sable, les grains de sable. Ben, merci d'être avec nous, mon cher ami Étienne. Salut. Une journée intéressante. Bien sûr, on va revenir un petit peu sur le Forum social mondial parce que on a la chance d'avoir Claude Vaillancourt en deuxième demi-heure. Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui a été conférencier dans plusieurs ateliers, même dans des grandes conférences. On reviendra donc avec lui, mais entre autres, un des ateliers que j'ai beaucoup aimé, une grande conférence, hein, c'était un soir à l'Université Concordia. Tu étais probablement là, Étienne, non? Non, pas celle-là, malheureusement. Sur la dette du Québec, vérité et mensonge, c'est le titre d'un livre qu'on va aborder tout à l'heure, parce que le lancement est cette semaine à Montréal, puis peut-être qu'il y aura un lancement à Québec, on va demander à Claude Vaillancourt en deuxième demi-heure. Mais en première demi-heure, on est en pleine célébration. Mm-hmm. C'est le 75e anniversaire de la revue Relation, une des revues engagées. Pas seulement pour les intellectuels, je pense bien. Oui, ça couvre plusieurs sujets qui concernent toute la société québécoise, finalement. Je pensais commencer par certaines dates, parce que des activités à la Ville de Québec liées à leur 75e anniversaire. Ce qui se passe du 18 octobre au 10 novembre, ça c'est à la bibliothèque de l'Université Laval, le pavillon Jean-Charles Bonenfant. Il va y avoir une exposition sur l'histoire de la revue, sur tous les débats qui ont été soutenus par cette revue-là, tous les sujets qui ont traité, c'est à pas manquer. Il y a aussi une soirée publique en novembre. Le 1er novembre 2016 à 19h, il va y avoir une soirée avec Jacques Racine, professeur associé à la faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Et en gros, c'est pour faire part de l'évolution de l'engagement social de la revue Relation. Oui, okay. Puis en fait, tu sais que jusqu'au 14 octobre se poursuit l'exposition Relation, une revue engagée dans son époque, dans le hall Hôtel de Ville de Montréal. Cette exposition retrace la contribution critique et éclairante des relations au débat et aux luttes sociales qui animent le Québec depuis 75 ans. C'est pas d'hier, hein? Mm-hmm. Et on rend effectivement hommage à ses artisans. Elle sera présentée à Québec le 18 octobre. Peut-être qu'il y aura une célébration avant, mais en tout cas, du 18 octobre au 10 novembre 2016, donc prochainement, à la bibliothèque de l'Université Laval, dans le cadre d'une série d'activités organisées pour le 75e que tu viens de nous relater. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir cette exposition. As-tu eu la chance de la voir à Montréal, toi, Étienne? Non, je n'ai pas pu. Mais je pense aussi souligner l'activité que tu as vue aussi. Là, c'était une soirée relation, ce qu'ils organisent souvent au Centre Frédéric Bach. C'est des sujets vraiment intéressants avec souvent des économistes invités. Ce qui s'est passé fin septembre, c'était le 27 septembre. C'était le revenu minimum garanti, une mesure de lutte contre la pauvreté. Point d'interrogation et pas qu'un petit point d'interrogation, parce que je dois dire que les conférenciers invités qui étaient sur ce sujet-là, qui est très chaud parce que c'est le Parti libéral du Québec, qui considère peut-être réfléchir sur l'idée de donner un revenu minimum qui serait garanti à tous les Québécois. C'est un petit peu épeurant parce qu'on sait que le ministre François Blais, le ministre responsable de la région de Québec, il va peut-être d'ailleurs tester la région de Québec parce que ça se fait dans certains pays, mais pas pour tout le pays au complet. On commence avec un genre de projet type y a donc possibilité, puisque le ministre responsable du dossier est un spécialiste, un universitaire, un académicien qui a fait des recherches sur ce revenu minimum garanti, mais son revenu minimum garanti n'est pas nécessairement celui qu'on a entendu parler justement en septembre dernier. C'est ça, parce que lui semble pas avoir un grand souci du chiffre, du montant qui serait écrit sur les chèques. Il semble plutôt sa préoccupation, on dirait que c'est plutôt le remplacer les programmes sociaux du Québec par celui-là, ce chèque-là qui serait récurrent. Ben, on n'a pas vraiment de détails, on ne sait pas si ce serait au mois ou à l'année. Il semble être convaincu que c'est une source de diminution de dépenses. Oui. Si on décide qu'on coupe certains programmes qu'on connaît bien, là, que ce soit l'aide sociale ou l'aide au paiement de médicaments, au logement abordable. Mm. Il y a plein de programmes, hein, on ne les énumère pas tous ici, mais si on additionne que dans une colonne, on peut sauver jusqu'à 5 milliards, je dis un chiffre comme ça en l'air, et que ça coûte 3 milliards de donner un salaire minimum garanti aux gens dans le besoin, eh bien, on vient de sauver 2 milliards. Il y a peut-être une possibilité pour un gouvernement qui nous habitue à l'austérité à avoir une source d'économie dans ce genre de programme. Oui, c'est ça qui est inquiétant. C'est là que le titre de la conférence organisée par la revue Relations est important, parce que est-ce que c'est une mesure de lutte contre la pauvreté? Il semblerait que non. C'est vraiment une espèce d'opération comptable là, qui semble être la seule motivation. Si c'était un gouvernement Québec solidaire ou peut-être péquiste progressiste, comme on en a déjà connu, on serait moins inquiet, mais les statistiques face à ce gouvernement peuvent nous faire peur, c'est sûr. Et tu vois, il y avait Évelyne Couturier, qui chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique de l'IRIS. Mm-hmm. Il y avait Sylvie Morel, professeur département des relations industrielles de l'Université Laval, que j'ai beaucoup apprécié, en fait, ses commentaires. Et comme on sait, il y a souvent des présentations de fait, mais après, les réponses aux questions, on a vu, là, ces réponses étaient vraiment documentées. Oui. C'est vraiment quelqu'un. On pourra peut-être essayer de l'avoir à notre émission éventuellement. Ah, oui. Et il y avait Serge Petitclerc, aussi analyste politique et porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, lui. Mais c'est ça, lui, il a posé la question très simplement parce que quand il parlait des critères qu'on doit se donner pour considérer l'idée d'un revenu minimum garanti donné par le Parti libéral du Québec, eh bien, ce qui arrivait au premier rang, c'est vraiment quelles sont les motivations de ce gouvernement-là. Pourquoi il met ce projet-là sur la table alors que ça semble sortir de nulle part? Ça semble pas être à propos, ça semble pas être cohérent avec ses habitudes de gouvernement d'austérité ou de rigueur, comme il aime appeler ça. Alors, on a vraiment des raisons d'être méfiants. Parce qu'on ne peut pas accorder aucune confiance à ce gouvernement-là qui coupe dans les services alors qu'il promet que les services ne seront pas touchés. Son seul but, c'est de sauver de l'argent et d'éviter, j'imagine, aux riches d'avoir à contribuer à la société par des impôts en disant il y a moins de services, il y a moins de départements, moins de ministères, il n'y aura qu'un seul petit chèque qui pourrait être très petit. D'ailleurs, le montant. Quand on dit un chèque, là, c'est peut-être un transfert électronique. On n'a même plus besoin d'imprimer. Donc, même les imprimantes, on va sauver sur le papier, puis les imprimantes du ministère du Revenu ou autre ministère. Peut-être que ce serait un projet écologique par ce côté-là. Moins de paperasse, mais ça aiderait pas les gens à bien vivre. Je peux pas m'attendre à ce qu'un gouvernement qui veut autant sauver de l'argent donnerait des chèques avec un montant qui permet la vie correcte. Est-ce qu'on a mentionné des montants, des niveaux d'aide qui pourraient être ce revenu minimum garanti? Pas vraiment, c'est ça qui est le plus important. Hein? On est pas mal. J'ai même posé la question, je sais pas si tu te souviens. Ouais, à la fin, j'étais le dernier intervenant, une chance qu'on m'a laissé parler. Je pense qu'on n'aurait quasiment pas parlé de chiffres. J'ai parlé du temps où l'ADQ, à sa fondation, même si c'était un parti de droite, il y avait comme des mesures assez originales à l'époque. Je pense que c'était le premier parti politique à parler de ce revenu minimum garanti, mais c'est peut-être parce que Mario Dumont lui-même, sa mère était une agricultrice ou, j'allais dire, une femme d'agriculteur qui travaillait à la maison, puis il trouvait ça inconcevable, puis il y avait un mouvement d'agriculteurs. J'étais là comme journaliste à l'époque à la fondation de l'ADQ. Donc, j'avais été témoin de ces discours d'agriculteurs qui allaient défendre au micro un salaire pour leur épouse, ce qui aurait peut-être diminué justement l'aide qu'on donne aux agriculteurs en donnant un salaire, en garantissant un salaire. Et on parlait de 12 000 $ dans ce temps-là. Je sais pas ça fait combien de temps, ça, l'ADQ, dans le temps du Lac Meech, ça fait les années 90, au début des années 90, on parlait de 12 000 $ donc 1 000 $ par mois. Autrement dit, si on donnait 1 000 $ par mois à tous ceux qui veulent recevoir un chèque du gouvernement, qui ne travaillent pas, qui en ont besoin, est-ce qu'avec ce 1 000 $-là par mois, indexé aujourd'hui, peut-être qu'on parlerait de 1 100 ou 1 200, mais en tout cas, toujours est-il, grosso modo, 1 000 $ clairs dans nos poches par mois, est-ce qu'on en a assez pour vivre? Est-ce qu'on en a assez pour se priver de certains programmes sociaux, des garderies à 7 $ par exemple, qui pourraient sauter si on dit maintenant, vous pouvez, on vous donne un salaire pour vous occuper de votre enfant à la maison, donc 12 000 $ pour vous occuper de votre enfant à la maison, est-ce que c'est suffisant? Pas selon Serge Petitclerc du collectif Québec sans pauvreté. Il ne semblait pas être impressionné par ce genre de chiffres-là, même converti en dollars actuels de 2016. Et vraiment, j'ai l'impression qu'avec toute cette idée-là, ou des chiffres dans le genre de ceux proposés jadis par l'ADQ, on pense petit. Parce que ce qui, alors qu'il y a des luttes, par exemple aux États-Unis, pour le fameux salaire minimum à 15 $ de l'heure, ça, c'est déjà des chiffres beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus intéressant. Et là, on parle de dollars américains. Alors, imaginez ce que ça donnerait ici. Oui, ça aurait des conséquences sur le marché du travail, sur la société et l'économie en tant que telle. C'est une des questions qui était posée aux panélistes. Oui, ben c'est ça. Disons qu'il y a beaucoup de moqueries autour de ce projet-là de revenu minimum garanti. Moi, je me souviens quand il y avait eu les débats sur l'idée dans des cantons suisses, là, j'ignore lesquels précisément, mais c'est tout récent. Ils ont décidé de faire voter la population par ces fameux référendums d'initiative populaire. Est-ce que la population de ce canton suisse-là désirait avoir ces chèques-là récurrents qui seraient un revenu minimum garanti? Et la population a voté non. Alors, je me souviens des caricatures dans la presse européenne là, qui étaient sorties cette année, qui disait les Suisses votent contre la retraite à 18 ans. Alors, vous voyez l'image. C'est, les gens imaginent que dès que ce chèque-là serait mis en place, les gens cesseraient de travailler. Je ne pense pas qu'on peut croire que ça arriverait, en tout cas pour la large majorité de la population, parce que les gens veulent se sentir utiles, là, comment dire, ils veulent créer une entreprise ou est-ce qu'ils ont l'impression de rendre un service à la société, de servir de leurs 10 doigts pour aider les gens de leur communauté ou au pire pour leur propre enrichissement personnel. Mais même s'il y a une aide fournie par le gouvernement qui aurait cette forme-là, je suis sûr qu'ils trouveraient des raisons d'investir leur énergie dans la société. Je peux difficilement croire le contraire. Mais c'est sûr que ce risque-là, que certaines parties de la population seraient plus oisives, là, mais pour en être sûr, il faudrait qu'il y ait des recherches beaucoup plus précises, hein, des recherches dans des régions où on testerait le projet, on étudie pendant des années qu'est-ce qui se passe, et on a la réponse. On n'a pas les réponses présentement. D'ailleurs, c'était un des problèmes dans cette soirée-là, relation, on essayait d'avoir une idée du projet, mais ça avait été tenté quelque part aux États-Unis, mais les dossiers n'ont jamais été compilés ou analysés correctement, alors on n'a pas tant de réponses que ça. Il y a des programmes similaires testés en Afrique, mais est-ce qu'on peut comparer des résultats dans les pays les plus pauvres de l'Afrique avec ce que ça donnerait ici au Québec? Difficilement, la vie est, on le comprend, très différente ici et là-bas. Et il y a aussi des exemples, bon, l'Alaska, qui fait énormément de profits avec ses ressources pétrolières, qui décidait de donner des redevances à chaque habitant de l'Alaska un petit chèque lié au profit fait avec le pétrole pendant l'année. Mais même là, ça ressemble pas vraiment au projet de revenu minimum garanti. Hein. C'est pas un chèque garanti, c'est pas censé être un revenu. Et c'est basé sur les taux de profit faits cette année-là. Et l'extractivisme. Oui, c'est ça. Mais bon, ça, c'est un bon un bon état de droite républicain. Oui, c'est ça. C'est Mme Pauline qu'on a connue lors de l'avant-dernière campagne présidentielle qui a failli être vice-présidente des États-Unis. Alors, voilà, peu importe où on regardait, on n'avait pas un exemple qui convenait à notre situation. C'est pour ça qu'on est dans le flou et que si jamais le Parti libéral du Québec devait aller de l'avant, ben la seule solution logique, c'est, bon, tu mentionnais peut-être la ville de Québec, là, mais peu importe quelle région serait choisie pour l'expérience, il faut faire une expérience sérieuse et mobiliser des chercheurs pour voir comment la population réagit à ça. Est-ce qu'elle vit mieux? Est-ce qu'elle vit encore pire? On pourrait opter pour la Gaspésie, où dans le Nord, il y a un peu de ces équivalents où certaines nations autochtones ou inuites ont des revenus garantis sans avoir à travailler. Et je pense qu'il y a des ethnologues qui ont fait des études qu'on pourrait peut-être élaborer plus tard, mais il y a des précédents. En terminant, Étienne Blondeau, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un salaire minimum à 15 $ qu'un revenu minimum garanti? Disons que le salaire et le travail rémunéré ont plus la cote que des chèques C'est garantis. Plus dans nos traditions là, de ouais. faire un projet de loi, un décret qui augmente le salaire minimum au Québec. Le fédéral n'a pas un mot à dire là-dessus, mais est-ce que le fédéral pourrait s'embarquer dans un revenu minimum garanti? S'il le souhaite, c'est sûr que lui étant le producteur et le créateur des dollars canadiens, il est pas contraint. Hein? Il est pas contraint. Il peut créer l'argent pour ce genre de programme-là si l'envie lui en prend. Ce qui m'étonnerait. Et en Finlande, je pense qu'il y a un exemple là-bas qui se fait l'heure actuelle. C'est un projet en cours. J'ai pas eu conscience que ça a été implémenté au moment où on se parle. Ouais, mais eux aussi, de toute façon, même s'il est implanté récemment, ils sont dans l'analyse. On peut pas calculer les impacts que ça peut avoir sur le marché du travail, la société ou l'économie en quelques mois d'essai, c'est sûr. Donc, c'est intéressant. Ce genre de soirée-relation... organisé en collaboration avec un collectif pour un Québec sans pauvreté et les Amis de la Terre de Québec, qu'on salue. Ça se passait au Centre Frédéric Bac. Puis moi, je suis arrivé un petit peu en retard parce que c'était le cocktail d'équitaire à l'Assemblée nationale où j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs intervenants dans le domaine de l'environnement. Et ça me fait penser que je leur dédie cette chanson que... Ben, écoutez donc. Je me suis perdu dans les chemins de compagnie, peinard bas par de vue, bel job que je me suis dit. Fallait que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est fait que j'ai vidé un lac. Qu'est-ce que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, pique les oreilles dans le crin, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse? Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Oui, tout, je n'ai des enfants, lui laisse des beaux restants. Puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Puis toi, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien. Puis si t'es pas content, retourne donc d'où c'est que tu viens. J'pige, pige, pige, ben correct, ben correct. J'pile, j'pile, j'pile, j'sais plus quoi faire avec. Moi j'en vois pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains de main, des fiumes pis bain de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. Fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre pas des quêteux. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque sa gueule, pis ça va faire de l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. Spiel, j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Puis j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le pâté papier, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la prof de la FTQ. Vous l'avez reconnu, Richard Desjardins, développement durable. Je sais pas, j'avais un petit clin d'œil à mes amis d'Équiterre. S'ils n'existaient pas, il faudrait les réinventer. Hein. Vous savez, les marchés locaux qu'on connaît maintenant, les marchés bio, quand on va chercher son panier, eh bien, c'est les Amis de la Terre, c'est Équiterre qui ont parti ça il y a quelques décennies déjà. Et c'est une façon de prendre soin de l'environnement, de consommer localement. Hein. Quand on mange des légumes qui ont poussé à Château-Richer, quand on mange des pommes de l'île d'Orléans, eh bien, c'est pas pareil l'impact sur l'environnement que de manger des raisins du Chili, que de manger... on connaît tout ça maintenant, mais il n'y a pas si longtemps, c'était même pas possible de le faire. Bien sûr que l'hiver, c'est un peu plus difficile, mais il y a d'autres moyens de conservation. Je faisais la marche la semaine passée sur les traces d'Henri David Thoreau, un Yankee au Canada, qui est venu marcher en 1850, en octobre, sous ce genre de température. D'ailleurs, un des souvenirs qu'il a ramené, c'était la grippe. La première phrase de son livre d'excursion à Yankee au Canada, c'est qu'il a attrapé la grippe, donc il devait faire une température comme aujourd'hui, humide. Mais en marchant, il pouvait croquer des pommes le long du chemin. Il y a vraiment des choses intéressantes qu'on peut faire. J'ai perdu un peu le fil de mon idée. Ah ben regardez, avec Henri Thoreau, c'est toujours intéressant. On veut pas se tromper. Lui-même, quand on lit, c'est pas toujours évident de comprendre. Il passe d'un coq à l'âne. Revenons à nos moutons. Oui, je pensais faire une espèce de présentation parce que la question ici, là, quand on considérait le revenu minimum garanti, c'est est-ce que ça permet de lutter contre la pauvreté? Moi, j'ai décidé de présenter le sujet d'une autre manière. Imaginez que vous êtes, je sais pas moi, le président ou disons le premier ministre du Canada et que vous décidez de mettre fin à la pauvreté. Il existe plusieurs projets qui ont du potentiel. Mettons que je vous dépose trois enveloppes devant vous. Il existerait trois plans. D'abord, le revenu minimum garanti. Ça, on en a parlé. Et on n'a pas de résultats bien concrets. Et si je peux résumer les critiques rapidement, disons que c'est ça la professeure Sylvie Morel dont on a parlé, elle disait « Oui, mais c'est bien beau redistribuer l'argent, par exemple, avec ce chèque-là, revenu minimum garanti, mais est-ce qu'on pourrait pas régler le problème des revenus à la source, avec des salaires plus intéressants? » Et moi, j'ai envie d'y donner raison. Alors, c'est pas un plan très intéressant. Imaginez qu'on tasse cette enveloppe-là et qu'on regarde les deux autres. Il reste deux enveloppes. Un sujet qui était porté par les partis créditistes. Ça, c'était l'idée de crédit social. Ils ont été très forts et très populaires au Québec et au Canada. L'idée, c'est de regarder tout ce que le Canada a produit en une année. On compare aux revenus des Canadiens et on voit habituellement que les Canadiens n'ont même pas gagné assez d'argent en une année pour acheter tout ce qu'ils ont produit avec leur travail. Alors, qu'est-ce que le Canada ferait? Ça, c'est le projet des créditistes. Ce serait de créer de l'argent, de le diviser entre chaque Canadien également et de l'envoyer par chèque. Comme ça, il y aurait plus d'argent pour consommer. Ce serait assez intéressant pour aider les plus pauvres. Et l'autre projet qui est mon préféré, c'est l'emploi garanti. Ça, c'est un projet qui a été mis en place avec un plan en Argentine. En gros, tous les pauvres qui sont chômeurs avaient simplement à se présenter devant les bureaux du gouvernement et dire « J'ai besoin d'un emploi. » Et on leur trouvait un emploi décidé par la communauté qui, ensemble, réfléchissait quel genre d'emploi communautaire ils pourraient faire pour nettoyer des endroits, réparer des choses. Mettons qu'il leur manquait, je sais pas, au moins de plombiers. Eh bien, ils faisaient des programmes d'entraînement pour avoir des plombiers. C'est vraiment la communauté qui décidait ce que les chômeurs feraient. Et le gouvernement fédéral argentin, lui, il créait de l'argent pour dire, bon, ben, on va donner des emplois à ces gens-là. Dans leur communauté, c'est la communauté qui décide ce qu'ils vont faire, mais on leur garantit un emploi. Quand on dit la communauté, c'est l'équivalent d'une province? Du quartier. Quartier disons, même, là. Difficile de dire l'échelle, là, ça devait varier selon la taille des villes, là, mais c'est le projet le plus intéressant, garantir un emploi à tout le monde. Et ça, c'est un des sujets que je vais traiter dans ma conférence, mais moi, je vais parler plutôt du Québec. Je fais une conférence à des souverainistes. Là, C'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est une soirée de l'indépendance. Ça, c'est le 18 octobre à la microbrasserie La Corrigan. Ah oui, ils font souvent ça, oui. Et c'est ça. À 6 heures du soir, je vais parler de l'idée d'un dollar québécois pour financer des projets intéressants et faire mousser l'idée souverainiste, entre autres par des emplois garantis pour tous les chômeurs. Est-ce que le PQ ou les partis indépendantistes actuels le veulent, un dollar québécois, dans l'éventuelle accession du Québec à la souveraineté? Il semblerait que c'était une idée qui était passée à travers la tête de Parizeau, mais ses conseillers lui ont dit qu'il était beaucoup trop tôt pour parler d'un dollar québécois. Est-ce que ses conseillers, Jean-François Lisée, faisait partie? Ouais, ça se fait bien? Je t'entendais penser. Ben, lui, on salue Jean-François Lisée, qui est maintenant chef du Parti québécois et qui sera donc candidat pour être premier ministre aux prochaines élections. Certes, un journaliste connu, compétent, intelligent, qui a fait un très bon discours hier. J'ai été vraiment impressionné de ce genre de discours rassembleur, s'il en est, s'il est possible de le faire. Mm. Alors, on salue Jean-François. On pourrait l'avoir comme invité ici, à titre de journaliste, pas à titre de politicien. Mm. On pourrait demander, justement, qu'est-ce qui... Qui conseillait Parizeau à avoir le dollar québécois? Est-ce que lui était de cette école? Mm-hmm. Peut-être qu'en lisant un de ses 30 livres, on pourra avoir la réponse. Je sais pas. Il y a des activités intéressantes qui s'en viennent, toujours dans le cadre du 75e anniversaire de la revue Relations. J'ai vu sur Internet, ça, je vous invite à le faire, Google 75e anniversaire Relations Université Laval. Vous allez tomber sur une page carte blanche à la bibliothèque de l'Université Laval au pavillon Jean-Charles Bonenfant, 2345. Allée des bibliothèques, au local 4429, donc au quatrième étage. Jeudi 20 octobre, Denis Delage, du département de sociologie, les Makwanini algonquins de Trois-Rivières contre le oléoduc Énergie Est. Hmm. Une activité intéressante. Il y en a d'autres aussi le 27 octobre. François l'Italien, qu'on a déjà eu avec nous, d'ailleurs que j'ai animé l'émission, si je ne m'abuse, Grain de sable, toujours du département de sociologie, l'extraction des ressources contre l'habitation du territoire, réflexion sur l'économie et la société québécoise. Et tout à l'heure, tu nous parlais du 1er novembre, c'est une grande activité en soirée, mais ça, c'est le midi de 11h30 à midi et demi. Et j'ai reçu un article tout chaud qui vient tout juste d'être diffusé le 7 octobre dernier, c'est quand même chaud, hein? Catherine Caron, la rédactrice en chef adjointe de la revue Relations, qui titre « Le Canada, l'accord de Paris et l'AECG, il faudrait l'applaudir ». Vous savez que l'AICG, c'est l'accord économique commercial global, ou CETA, communément appelé en France, ils ne se cassent pas le maillot avec ça, c'est plutôt le CETA en anglais. Alors, donc, c'est entre le Canada et l'Union européenne. Alors, on a un texte où, en fait, je pense que Attaque Québec et cet article dans la revue Relations de Catherine Caron. Il faudrait l'applaudir et je pense que la réponse est bien non, nous n'applaudirons pas. Si vous voulez savoir pourquoi, vous devez lire cet article en allant sur le site de la revue Relations. Vous allez avoir la chance d'avoir le contenu de ça. Mais de toute façon, restez avec nous parce que après la pause, on a Claude Vaillancourt avec nous à qui je vais poser quelques questions, mais surtout sur le lancement du livre d'Attaque Québec, la dette du Québec, vérité et mensonge. Claude Vaillancourt, comme président d'Attaque Québec, signe deux textes. Donc, on parle de ces textes avec lui. Mais puisqu'on l'aura avec nous par la voix des ondes téléphoniques, ben, je vais lui demander aussi qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe sur les ententes de libre-échange à l'heure actuelle, puisque le premier ministre français, Manuel Valls, revient au Québec la semaine prochaine rencontrer le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et il y aura un petit party, un petit dîner d'organiser avec Justin Trudeau, justement pour parler de libre-échange. Donc, restez avec nous si vous voulez entendre les dernières nouvelles et les possibilités peut-être de manifester ou non pour ou contre le libre-échange. Restez avec nous. Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. Le samedi 8 octobre, rendez-vous sur les lieux du crime. Activité phare du Festival Québec en toutes lettres, la 7e soirée œuvre de chair s'annonce mystérieuse. Offrez-vous d'abord de courts tête-à-tête avec une écrivaine ou un écrivain pour des suggestions de lecture. Puis, rendez-vous dans l'une ou l'autre des 10 chambres où les auteurs vous raconteront une histoire noire. Trop peur pour rentrer? On vous attend pour le dernier verre à 23h au bar de l'hôtel. Œuvre de chair, le samedi 8 octobre à l'Hôtel Pur, Québec. Une collaboration de CKRL. Festival Québec en toutes lettres. Une édition noire du 29 septembre au 9 octobre. La 26e édition des rendez-vous estrades du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit Champlain et au Cercle sur Saint-Joseph. Plus de 40 artistes porteurs de traditions dont Réveillon, Galant, tu perds ton temps, Farah Fikeb, Crépuscule, Les Chauffeurs à pied, le duo Alex Keller et Nicolas Williams et bien d'autres. 5 jours de musique, de chansons, de danse et d'ateliers, une grande soirée toute féminine, des lancements d'albums, un bal électro-trad, la joute et la randonnée chantée. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui vous fera découvrir la musique traditionnelle d'ici et d'ailleurs. Le collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec vous invite à la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, lundi 17 octobre. Dans le but de vous offrir des outils pour une société égalitaire et solidaire, Sylvie Bissonnette, Mélanie Sarrazin et Serge Petitclerc discuteront du revenu minimum garanti, des services publics et du salaire minimum à 15 $ de l'heure. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, un rendez-vous lundi 17 octobre de 13h30 à 16h30 au Centre Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Cette activité sera suivie d'une soupe populaire à 17h au Centre Lucien Borne et d'une manifestation à 17h30. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolight, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolight.qc.ca. Merci, merci, Claude Vaillancourt d'être avec nous. Oui, bonjour, Charles. Bonjour. Ah, Claude, c'est un livre important. Il y a un lancement cette semaine à Montréal du livre « La dette du Québec, vérité et mensonge ». Tu signes deux textes dans cet opus. C'est un livre important et d'ailleurs, je me souviens que c'était vraiment un moment important du Forum social mondial où il y avait une grande conférence « Vérité et mensonge sur la dette publique ». Dans les pays du Sud comme du Nord, la dette publique devient le prétexte pour appliquer des mesures d'austérité. Pourtant, dans la plupart des cas, cette dette est très mal connue. Elle fait partie d'un vaste système qui appauvrit les populations tout en enrichissant les marchés financiers. Cette conférence cherchait à démystifier la dette publique et à proposer des solutions pour échapper au carcan qu'elle nous impose. Tu faisais partie de ce panel. Il y avait Dominique Pilon de Attaque France. Il y avait Marie-Hélène Saludas d'Attaque Argentine. Chantal Santerre, qu'on a déjà eu à l'émission Grain de sable. Et Maude Bally. Et en fait, moi, j'aime bien ton texte qui est quasiment introductif à tout cet opus. La dette est-elle vraiment un instrument de soumission, un épée de Damoclès? Ben, tout à fait. effet, hein, parce que dès qu'un pays est endetté, il perd d'abord le pouvoir de développer des politiques sociales importantes, parce que la raison, c'est qu'il n'y a pas d'argent, et le remboursement de la dette devient à ce moment-là prioritaire. On doit tout faire pour rembourser cette dette-là. Donc, ça veut dire que faisant ça, le gouvernement perd beaucoup de son pouvoir. Alors, c'est très clair qu'on va avoir un intérêt à ce que les États s'endettent davantage pour qu'on puisse intervenir sur leurs politiques, des politiques qui sont en faveur de moins d'États et évidemment plus de privatisation. L'exemple a été très clair dans les pays du Sud, maintenant ça s'en vient dans les pays du Nord. Alors c'est très clair que l'endettement a comme raison d'être en grande partie d'affaiblir le pouvoir des États. Les grandes puissances se servent-elles encore de l'endettement d'un pays, surtout dans les économies fragiles, pour prendre le contrôle? Il y a des exemples que tu donnes dans ton texte, que la France au Mexique en 1862, je crois, Grande-Bretagne en Égypte au début de leur colonisation là-bas, les États-Unis dans les Caraïbes et même, on peut dire, dans le reste du monde. Oui, effectivement, ça date pas d'hier. Hein, c'est un système très ancien. Le système de colonisation des pays européens s'est fait beaucoup sur des questions de la dette. C'est-à-dire que on endettait les pays et là, comme la situation financière ne leur permettait plus, alors à ce moment-là, c'était le prétexte pour faire une invasion militaire et prendre le contrôle du pays. Donc ça s'est fait beaucoup au 19e siècle. Maintenant, au 20e siècle et au 21e siècle, c'est devenu un peu plus subtil, finalement. Alors, c'est ce qui a contribué énormément à l'endettement des pays du Sud, c'est l'augmentation des taux d'intérêt, qui était une augmentation qui était vraiment irresponsable. On avait haussé ça pour pas que les pays du Nord aient une inflation élevée, mais c'est les gens qui ont été victimes, c'est les pays du Sud qui ont vu leur dette exploser littéralement. Et à ce moment-là, ben, on a pris le contrôle de leur économie, on leur a dit, écoutez, ce qui est important, c'est de rembourser votre dette. Et pour ça, vous allez couper dans les soins de santé, vous allez couper dans les écoles, dans l'enseignement, vous allez couper dans le transport public, dans toutes sortes de domaines, de secteurs qui sont essentiels, finalement, pour les populations. C'est un livre intéressant. C'est pas réservé juste aux économistes. Ça se lit comme un roman, quasiment. C'est facile, c'est très bien vulgarisé. Et, par exemple, tu parles on voit plusieurs vérités, plusieurs mensonges, mais il y a quand même des solutions qui sont amenées. Comment cesser la tiers mondialisation de la dette qui permet au capitalisme financiarisé de dicter la structure sociale par des mesures d'austérité? Ben, premièrement, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est d'aller chercher plus de revenus, et ça, dans les pays du Nord, c'est assez facile, hein? Il y a des sommes colossales qui disparaissent dans les paradis fiscaux. Les gouvernements, ces dernières années, dans les 10 dernières années, se sont privés de milliards de dollars par année en revenus, en coupant, en participant, en faisant des baisses d'impôts, dont les entreprises ont été les principales gagnantes, et ils n'ont pas réinvesti cet argent-là, contrairement à ce qu'on avait annoncé. Donc, on va faire toutes sortes de moyens de se priver de revenus, et là, on continue à... Les dépenses publiques, elles n'augmentent pas, mais comme on a moins de revenus, bien, à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous coûte plus cher. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire, il faut aller se chercher des revenus. La deuxième chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que notre dette. On dit, on doit un chiffre de l'Institut de Montréal, c'est un chiffre absolument catastrophique et épeurant qui augmente à chaque seconde. Oui, mais à qui on doit, combien, qu'est-ce qu'on a emprunté, à qui on a emprunté, à quel taux d'intérêt. Donc, c'est important d'examiner notre dette pour voir finalement d'où ça vient. Puis je pense qu'on ne peut commencer à comprendre cette dette-là, finalement, à savoir quoi faire avec cette dette qu'à partir du moment où on la comprend. Et alors, voilà. Tu réfères au fait que le gouvernement conservateur, en plus d'imposer l'austérité à sa façon, le bâillon aux scientifiques, il a signé des accords qu'on dit de libre-échange de renseignements qui ont été peu efficaces, en fait, parce que il a beau signer des accords avec les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans, la Dominique, Hong Kong et la Suisse pour divulgation de renseignements, mais ces ententes, ils permettent quand même encore la double imposition ou pas? Ces ententes-là, ça a été, à proprement parler, catastrophique. Hein? Alors, le gouvernement conservateur, il dit, oh, faut faire quelque chose contre l'évasion fiscale. Alors, il va faire des ententes d'échange de renseignements avec les paradis fiscaux. En autre mot, ces gens-là, si on leur demande, si on a une enquête là, super, super avancée, hein, et, sur tel et tel contribuable qui ne paierait pas d'impôts, Ben là, ils vont peut-être nous accepter de donner des renseignements. Il faut insister sur le peut-être parce qu'il n'y a rien qui est garanti. Mais comme on leur demandait beaucoup, ben, le gouvernement du Canada dit à ce moment-là, vous allez, on va vous donner un petit bonbon, hein, parce que vous faites un effort énorme. Alors, tous les gens qui ont placé de l'argent dans ces paradis fiscaux, qui ont signé des ententes sur double des ententes fiscales, alors, vont pouvoir rapatrier leur argent au pays sans payer d'impôts. Donc, c'est vraiment une mesure qui va favoriser l'évitement fiscal à haute échelle. Alors, on prétend combattre, mais on fait exactement le contraire. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de l'échange automatique de renseignements, comme les États-Unis sont en train de le faire, c'est-à-dire dès qu'un individu ou une entreprise place de l'argent dans un paradis fiscal, eh bien, les gens doivent envoyer au fisc canadien le nom de ce client et le montant qui est placé là. Alors ça serait absolument essentiel et c'est vers ça qu'il faut s'orienter. Claude Vaillancourt, est-ce que c'est le genre de solution qu'on a entendu à la commission d'examen de la fiscalité québécoise? Je sais que le Attaque Québec que vous présidez par la voix de Roger Lanoux, présenté un mémoire à la commission. Mais est-ce que vous avez du nouveau à ce sujet? Est-ce que ce genre de problème qui a été soulevé pendant cette commission? Oui, certainement. Hein, ça a été soulevé pas juste par nous. Il y a Échec au paradis fiscaux aussi qui a remis un mémoire très précis aussi. Alors, dans le fond, ce qu'on propose, c'est ce qu'on veut, c'est que le gouvernement québécois agisse. Et le problème avec le gouvernement québécois, c'est que ben, il se dit c'est pas à nous. Dans le fond, ça concerne Ottawa. Mais nous, on était lui rappeler ben oui. Il y avait différentes solutions à prendre. Mais d'abord, lui aussi peut combattre l'évasion et l'évitement fiscal. Ensuite, il peut tout simplement décider de ne pas faire affaire à des entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et là, évidemment, ça en éliminerait plusieurs. Donc, la Caisse de dépôt aussi peut être un outil intéressant. Là. Elle aussi peut éviter tout ce qui fait affaire dans les paradis fiscaux. Donc, moi, je pense qu'on a des instruments. Et c'est ce qu'on a rappelé, ce qu'on a essayé de rappeler dans ce mémoire-là. Oui, mais est-ce qu'il y a un suivi qu'Attaque Québec fait? Avez-vous des formations prochainement pour aider à mieux comprendre? Est-ce que vous talonnez? Je sais que le président de la commission sur la fiscalité, Raymond Bernier, a promis de réinviter le ministère du Revenu ainsi que la Caisse de dépôt et de placement et probablement le ministère des Finances suite au contenu des mémoires, justement, des groupes que vous mentionniez tout à l'heure. Oui, bien nous, on espère que le gouvernement du Québec va tenir compte de ce qui est entendu pour prendre des mesures vraiment plus actives pour combattre l'évasion et l'évitement fiscal. Nous, bien sûr, ben, ce mémoire-là, c'est vraiment ce sur quoi on a insisté. Donc, évidemment, on va continuer de suivre la chose, d'essayer, dans la mesure de nos moyens, d'intervenir, mais on donne aussi effectivement des formations à tous nos membres puis aux gens qui sont à l'extérieur de l'attaque qui nous le demandent, une formation disons de base sur comment fonctionnent les paradis fiscaux, qu'est-ce que c'est les dimensions du problème et qu'est-ce que c'est des solutions. Donc c'est quelque chose qu'on fait aussi. Oui, ben félicitations de faire. Je sais que vous avez de nombreux livres. Claude Vaillancourt, vous avez aussi écrit le livre « L'Empire du libre-échange et l'âge économique » chez M Éditeur. Je crois que ce livre aussi est aux éditions M. Est-ce qu'on dit M éditeur ou édition M? M éditeur. M éditeur. Ouais. Il y a un lancement qui se fait mercredi le 12 octobre à 18h. Mais est-ce qu'à Québec, il y aura un lancement? Est-ce qu'il faut absolument aller à Montréal pour le lancement? Bien, surtout, ce qu'on espère, c'est de le faire connaître à Québec, d'avoir une formation à Québec. Donc, on est en train de réfléchir, si jamais il y a des gens qui sont à l'antenne qui veulent nous accueillir pour parler de ce livre-là, ça va nous faire plaisir. Alors, c'est sûr qu'on veut essayer de le faire connaître à différents endroits au Québec. Là. Donc, les invitations sont lancées, bien sûr. Justement, donc, on attend aux invitations. Faites penser parce que... On va essayer de faire des efforts aussi. Oui, ben je vais penser, d'ailleurs, on en parle avec Étienne, je pense qu'il y a possibilité, effectivement, puisque au chapitre 7, votre deuxième texte dans ce livre, La dette du Québec, vérité et mensonge, vous parlez d'audit. Et ça peut peut-être intéresser les étudiants en comptabilité ou d'autres organismes. Un audit citoyen de la mauvaise dette au Québec, comme en Équateur, qu'un audit de la dette, Claude Vaillancourt? Est-ce qu'il faut... Je disais que examiner la dette, voir ce qu'il y a à l'intérieur, ben c'est un exercice d'audit de la dette. Alors, l'audit de la dette, dans le fond, ça nous permet de déterminer qu'est-ce qui est de la qu'est-ce qui est de la mauvaise dette? La bonne dette, finalement, c'est de la dette qui a été faite pour des raisons acceptables et dans des bonnes circonstances. Est-ce que s'endetter pour un revenu minimum garanti serait une bonne dette ou une mauvaise dette? Ben, à mon avis, ça serait une bonne dette parce que c'est une mesure sociale. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont en profiter. Hein. Puis donc, on peut faire un budget en conséquence. Une mauvaise dette, qu'est-ce que c'est? Ouais. Une mauvaise dette, ça a été, par exemple, il y a la notion de dette odieuse. Et ça, c'est quand, et ça, c'est vraiment accepté dans le droit international, c'est quand un dictateur se sert de l'argent qui va emprunter pour réprimer la population. Alors ça, on a un droit légal de ne pas rembourser cette dette-là. Le gouvernement de l'Équateur a beaucoup joué là-dessus. Alors, c'est sûr que nous, au Québec, on ne peut pas se poser cette question-là. On n'a jamais subi de régime dictatorial, donc il n'y a pas de dette odieuse. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle une dette illégitime ou une dette illégale. Alors, ça, c'est des dettes qui ont été contractées dans des mauvaises circonstances, qui ne suit pas la loi, qui n'aurait pas dû être fait de telle façon. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui vont dire que les taux d'intérêt extrêmement élevés qui ont été payés dans de nombreux pays dans les années 90. Par exemple, la France, on a fait une audit de la dette en France, on est arrivé à cette conclusion-là. Donc, un taux d'intérêt qui était tellement élevé, qui était en dehors des prix du marché, alors ça fait partie d'une dette illégitime. Et ça a fait effectivement croître la dette d'une manière exponentielle. Au Québec, on peut dire qu'on a vécu à peu près la même chose. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas une partie de notre dette qui serait illégitime? Ben, c'est ça l'utilité de faire un audit de la dette. Ça nous permet de voir quel type de dette. Et aussi, qu'est-ce qu'on a remboursé et qu'est-ce qu'on pourrait ne pas rembourser? On pourrait dire, ben, écoutez, ça n'a vraiment pas été fait dans des circonstances qui sont acceptables. Parce que souvent, justement, la dette ça peut se faire dans des circonstances qui sont assez opaques, finalement. Donc, mettre la lumière sur la dette, ça peut arriver à des choses très intéressantes. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi que ça a été contracté dans des conditions parfaitement correctes, mais enfin, c'est intéressant de se pencher, puis de voir comment ça a été fait, tout simplement. Mais c'est bizarre que ça n'ait pas été fait avec les nombreux budgets qu'on a, les nombreux fonctionnaires, les nombreuses grandes compétences qui traînent aux banqueurs, à l'édifice H, au Conseil du Trésor, en fait, pour les gens de Québec, on est familier avec ces édifices. Peut-être qu'à Montréal, on est moins, mais nous, on sait exactement où est-ce que des gens très compétents pourraient faire un audit. Mais ça se fait par qui? Est-ce que ça se fait par des organismes gouvernementaux ou des gens indépendants, des comptables? Quel est le profil de ces gens et comment on fait un audit? Parce que ça a été fait, ça, en Équateur, on en parlait, au Brésil, en Argentine, en Irlande, en Norvège et au Mali. Toute l'information qu'on trouve dans votre livre, très intéressant. Oui, exactement. Ben, l'audit de la dette en Équateur, c'est un audit qui a été fait par le gouvernement. Hein. Alors, c'est lui qui a tranché grâce à cet audit-là. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dettes odieuses. Donc, à ce moment-là, il cesserait de payer le montant qui correspondait à cette dette odieuse sur les marchés internationaux. Alors, ça fait que le prix de la dette équatorienne a baissé énormément, ce qui fait que le gouvernement a pu racheter sa propre dette et à ce moment-là, il s'est retrouvé un pays beaucoup moins endetté, finalement. Hein? Alors donc, et il a investi l'argent qui payait autrefois pour rembourser la dette, puis l'investi dans les services publics. Donc, c'est quand même une très belle histoire. Ouais, mais c'est le genre de choses que Donald Trump pourrait faire. C'est le genre de choses que Donald Trump pourrait faire. Je pense pas que Donald Trump pourrait faire. Ceci, c'est un cas assez spécial parce que eux, comme ils fabriquent la monnaie internationale, alors ils n'ont pas du tout des problèmes équivalents à un pays comme l'Équateur. Puis nous aussi, d'ailleurs, hein, je pense que c'est important de le dire, on ne pourrait pas faire une opération comme il était fait en Équateur, mais on parle dans ce cas-là aussi d'audit citoyen de la dette. Audit citoyen, ça veut dire que c'est fait. Allô? Oui, on est toujours là. Oui, OK, c'est parce que j'ai entendu un bruit. Donc, un audit citoyen, ça veut dire que c'est fait par à la fois des experts, mais aussi par des militants. Puis eux vont avoir une espèce de point de vue qui est plus social, si vous voulez, peut-être moins technocratique, mais même s'il y a un important travail technocratique à faire dans un audit de la dette. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'experts aussi. Donc, c'est cette espèce d'alliance entre des experts, des citoyens, qui vont permettre de jeter un regard très attentif, scientifique, dont on a besoin pour évaluer la dette. Alors, c'est plus seulement un gros chiffre qui sert d'épouvantail, mais c'est bel et bien une connaissance réelle d'un problème qui va nous mener vers des bonnes solutions aussi. Parmi les auteurs là, qu'il y a dans ce livre, La dette du Québec, vérité et mensonge, est-ce qu'il y en a qui seraient capables de faire des audits, comme Chantal Santerre? C'est pas une comptable. On l'a eu, il me semble. Oui. Est-ce que Attaque Québec pourrait prendre l'initiative de créer une équipe multidisciplinaire et lancer un audit de la dette du Québec? Oui, c'est sûr, mais il faudra aller chercher aussi d'autres alliés, parce que ça ne peut pas être juste une seule organisation qui fasse ça. Il faut que ça soit quand même un regroupement assez large avec quand même des experts et des gens et des militants. Cette combinaison entre les deux, Attaque Québec, c'est quand même une organisation très active, mais très petite aussi. Alors oui, je pense qu'il faudrait avoir une aide de l'extérieur. De toute façon, plus ça regroupe un prisme large d'organisations, plus l'exercice est significatif et intéressant. Merci, Claude Vaillancourt. J'aimerais qu'on parle un peu de libre-échange, puisqu'il y a des choses qui se passent en Europe, des manifestations. Et d'abord, je voulais savoir, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire aux sessions que vous donnez, Claude Vaillancourt, à l'UPOP Montréal sur le libre-échange, qui se déroule en fait du 26 septembre au 7 novembre, au Café-Bar, oui, l'Auditoire à Montréal? Oui, bien, pour les gens de Montréal qui nous écoutent, s'il y en a quand même, il y en a le 24 octobre, donc il y a une session qui va porter sur le libre-échange et l'environnement, et il y en a une aussi qui sera le 7 novembre, qui va porter sur les solutions au libre-échange et la résistance au libre-échange. Intéressant. Vous savez que cette semaine, le premier ministre français, Manuel Valls, va venir au Québec les 13 et 14 octobre prochains pour la 19e rencontre alternée des premiers ministres québécois et français pour parler, entre autres, de libre-échange. Qu'avez-vous à leur dire à Montréal le 13 octobre, Claude Vaillancourt, en marge de la rencontre alternée et à l'invitation du premier ministre du Québec, Manuel Valls? Ben, et oui, il y aura Justin Trudeau aussi à un déjeuner-conférence intitulé « Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne ». Est-ce qu'ils vont nous annoncer quelque chose à ce moment-là? Ben, moi, je pense qu'ils vont carrément lancer une grande opération de propagande. On sait que les Européens doivent signer l'accord le 27 octobre. Il y a énormément de résistance en Europe. Il y a des pays qui s'opposent carrément, ou des régions comme la Wallonie s'opposent à cet accord, l'Autriche aussi. Dans des pays où c'est très divisé, comme l'Allemagne, le mouvement de protestation, il y a quand même des centaines de milliers de personnes en Allemagne pour protester contre cet accord et celui avec les États-Unis. Donc, vous voyez qu'il y a une résistance très forte. Alors, les gouvernements, ce qu'ils ont besoin de faire, bien, c'est une opération de propagande. Ils vont nous dire que c'est merveilleux, que ça crée de l'emploi, que c'est bon pour l'économie. Alors, c'est tout à fait le contraire. Nous, ce qu'on a... Puis, il y a des études quand même assez sérieuses, indépendantes, qui montrent que non, ça crée pas d'emploi. Au contraire, ça crée du chômage et que les effets sur l'économie sont loin d'être garantis. Par contre, ce qui est très clair, c'est que ça donne énormément de pouvoir aux multinationales. Et faire des accords de libre-échange pour les gouvernements, c'est donner des très, très beaux cadeaux aux multinationales. C'est elles qui ont fait tout le lobbying pour y arriver. C'est elles qui ont influencé les négociations. Donc, c'est tout à fait à leur avantage. Mais par contre, pour ce qui est du reste de la population, je dirais même aussi des petites, des moyennes entreprises, mais le libre-échange, c'est vraiment pas quelque chose qui est idéal. Oui, parce qu'en fait, je surveille sur Internet les activités d'Attaque France, et puis en France et en Espagne, il y a beaucoup de manifestations qui vont se faire samedi le 15 octobre prochain. Les gens sont invités à aller dans la rue pour manifester leur opposition et faire connaître les raisons de se mobiliser contre la TAFTA, qui disent que la Transatlantic Free Trade Agreement, qu'on dit communément en français le traité de libre-échange transatlantique. C'est un accord surtout entre les États-Unis et l'Union européenne, mais je ne sais pas si les Européens se mobilisent autant pour être contre le libre-échange, la ACG, celui entre l'Union européenne et le Canada, mais c'est un peu un mouvement qui est contre tout ce genre de traité de libre-échange. Mais pourquoi? Oui, tout à fait. Ben, je pense que pourquoi on est contre le libre-échange, c'est aussi parce que ben, au Québec, ça va avoir des conséquences quand même assez graves. Par exemple, une des conséquences dont on devrait peu parler, c'est que les compagnies européennes vont pouvoir avoir accès au marché public. Alors, ça veut dire que dès que le gouvernement fait un appel d'offres, les compagnies européennes sont très, très bonnes pour prendre ces marchés publics. Elles vont pouvoir répondre, et à ce moment-là, ça veut dire que leurs profits ne seront pas investis. Si leurs profits vont être investis en Europe, ils vont avoir des pressions aussi pour que y ait davantage de marchés publics pour leur offrir finalement plus de place. Donc ça, c'est un des problèmes. Un autre problème aussi, c'est les fameux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États. Il a donné un nouveau nom dans la FCG, mais c'est en gros la même chose, qui permet à des compagnies de poursuivre les gouvernements si les politiques ne leur plaisent pas. Alors, c'est vraiment carrément une occasion pour les compagnies de contrôler l'agenda législatif. En plus de ça, il y a un organisme de coopération réglementaire qui va faire que des représentants gouvernementaux, sous l'influence de lobbyistes, vont se réunir pour ajuster constamment les réglementations entre le Canada et l'Europe. Puis on connaît que cette harmonisation des réglementations, c'est le terme qui est utilisé en général, c'est vraiment une harmonisation vers le bas, hein, pour réduire le plus possible les normes, de manière à faciliter le travail des compagnies et aussi à hausser leurs profits, hein, parce que c'est ça l'objectif derrière. Donc on voit que c'est vraiment pas des accords qui jouent en faveur des populations, des accords qui sont extrêmement dangereux, des gouvernements essaient de les faire passer dans des campagnes de propagande comme on va en avoir cette semaine, et aussi en évitant le plus possible le débat démocratique, parce qu'à mon avis, ces accords de libre-échange ont tellement d'impact qu'ils devraient être approuvés par des référendums, mais à ce que je sache, il n'y a aucun référendum qui est prévu pour l'ASCG et pour les autres accords aussi que le Canada est en train de négocier. Ah, mais est-ce que ça se discute ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a des pays qui ont soumis ce genre de traité de libre-échange à des référendums? C'est intéressant de voir que quand on a fait le traité constitutionnel européen, on y est allé par référendum, il y a des pays qui ont voté, et le problème, c'est que quand il y a des référendums, ben ces gens-là perdent. Alors, comme ils risquent de perdre dans un référendum, ben ils décident carrément de passer par-dessus le processus démocratique et de le faire adopter par les parlements. Et comme on sait que souvent les parlements, ben, c'est simplement un parti majoritaire, il n'y a pas vraiment de débat associé à ça, il semble pas que le gouvernement soit parti dans de véritables débats. Il a fait des séances de consultation, mais il semble pas en avoir tenu compte. Donc, ici, le gouvernement canadien, qui est mené par un parti qui est majoritaire, ben, peut adopter cet accord-là comme il veut. Vous allez me dire que oui, c'est un certain procédé démocratique, mais un accord de libre-échange, ça touche à tellement d'aspects de l'économie, ça risque d'avoir des conséquences tellement puissantes que ça prend quelque chose de beaucoup plus, ça prend une démonstration de démocratie beaucoup plus forte qu'un simple vote parlementaire. Il devrait y avoir un référendum, mais c'est clair que les gouvernements ont peur des référendums parce qu'ils pensent les perdre, tout simplement. Et si ils pensent les perdre, c'est parce que ils perdent, c'est parce que c'est probablement pas très bon pour la population. Alors, voilà. Claude Vaillancourt, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci d'être venu nous parler de libre-échange. On peut difficilement se priver d'en parler avec toi, étant donné tes compétences et tes connaissances, mais merci pour ce livre qui nous en apprend tellement sur la dette du Québec, « La bonne et la mauvaise, vérité et mensonge ». Alors, j'ai bien hâte de partager aussi ce contenu avec d'autres auditeurs à CKRL dans le cadre d'une autre émission. On essaiera d'avoir d'autres auteurs avec toi. Merci, Claude Vaillancourt, oui, président d'Attac Québec et co-auteur de ce livre qui nous parle de l'importance de notre dette. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Merci, Étienne Blondeau. Ça nous a fait plaisir. Restez avec nous. Faut pas manquer les Geeks contre-attaque. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous propose L'impureté de Larry Tremblay. Des récits imbriqués qui mélangent l'amour, l'amitié et la manipulation avec une double chute étonnante et percutante. Un court roman à lire d'un trait. Et Gabrielle de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Station Eleven de Emily St. John Mandel. Un roman éclaté où les destins croisés forment un tableau post-apocalyptique d'une grande lucidité. Station Eleven nous rappelle comment la culture et la création illuminent parfois les nuits les plus noires. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer.